Permettez-moi de me présenter. Je suis Carole Murphy, directrice des services aux patients pour la Société de Montréal, chapitre de Montréal qui dessert la province du Québec et les Maritimes. Avant de vous présenter notre conférencier invité de ce soir, il est nécessaire de prendre quelques minutes afin de vous transmettre certaines informations en lien avec l'événement. Une période de questions suivra la conférence du Dr. Delage. Toute question doit être écrite dans le carré ainsi désigné à la droite au bas de votre écran. Gardez en tête qu'il est possible que nous recevions plusieurs questions similaires. Dans ce cas, une question sera formulée et adressée à Dr. Delage. Il est important de ne pas oublier de remplir le questionnaire des services aux patients. Les réponses recueillies seront instrumentales dans le développement des services aux patients futurs. Maintenant, c'est avec plaisir que je vous présente Dr. Robert Delage, chef du département d'hématologie du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec à Québec depuis 2002. Dr. Delage a obtenu son doctorat en médecine de l'Université Laval à Québec en 1982. Il a fait sa résidence en médecine interne à l'Université Laval de 1984 à 86, sa résidence en hématologie à l'Université Laval de Québec de 86 à 1988, son fellowship à Dana-Farber Institute, Harvard Medical School à Boston de 1988 à 90. Dr. Delage est aussi professeur agréé de l'Université Laval de Québec depuis 2000, hématologue membre associé de l'Hôpital Laval de Québec à Québec depuis 2000, hématologue membre associé du Centre hospitalier de l'archipel Île-de-la-Madeleine à Québec depuis 1994, directeur de laboratoire de biologie moléculaire du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec à Québec depuis 1990. Parmi ses autres responsabilités, il est président du jury d'examen en hématologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, membre jury d'examen en hématologie du Canadian Bone Marrow Transplant Group, membre de l'American Society of Hematology, membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec. Dr. Delage a remporté plusieurs prix d'excellence d'enseignement. Il a collaboré à plusieurs publications en hématologie et donné nombreuses conférences sur le plan national et international. Je vous présente Dr. Robert Delage. Merci beaucoup, Mme Murphy. Alors, c'est un plaisir aujourd'hui de faire cette conférence très technologique et j'espère qu'on n'aura pas trop d'embûches. C'est la première pour moi de ce type de conférence. Alors, on m'a demandé de vous parler de la leucémie lymphoïde chronique avec une conférence qui s'adresse aux patients. Ça veut donc dire qu'on devra passer par des notions de base qui vont être importantes pour mieux comprendre. Les objectifs donc de cette conférence de ce soir vont être de comprendre l'origine de la leucémie lymphoïde chronique, connaître son histoire naturelle, et finalement, se familiariser avec les traitements potentiels dont vous avez déjà certainement entendu parler. Alors, un petit cours d'hématologie avant de commencer, soit des notions de base. On parlera donc dans ces notions de base-là de d'où viennent les fameuses cellules sanguines, quelle est leur origine, et aussi, une chose extrêmement importante dans la pathogenèse de la leucémie lymphoïde chronique et aussi à peu près tous les cancers, c'est comment une cellule peut-elle devenir cancéreuse et perdre tout son mécanisme de régulation. Notion de base, composition du sang. Vous avez ici une petite éprouvette d'une prise de sang qui serait laissée dans le tube après avoir été anticoagulée. Vous avez trois composants extrêmement importants. Le plasma, c'est-à-dire la partie liquide, qui compose environ 55% du tube de sang. Les globules blancs qui font une toute petite partie, globules blancs et plaquettes qui font moins de 1% de ce type de sang, et finalement les globules rouges qui donnent évidemment la teinte très rouge au sang, qui occupent à 45% ou à peu près la moitié de cette portion-là. C'est cette portion solide qui est constituée principalement de globules rouges. La moelle osseuse, comme vous le savez probablement déjà, est l'usine de production du sang. C'est à partir de la moelle osseuse que seront formés les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. chez l'adulte, la moelle osseuse qui produit le sang se situe au niveau des os plats, le sternum, le bassin, les côtes, par exemple, ou encore au niveau des vertèbres. Chez l'adulte, justement, on ne retrouve pas d'hématopoïèse ou formation du sang. Au niveau des os longs comme le fémur et le tibia, il n'y a pas de formation du sang à ce niveau-là. C'est une moelle qui est dépourvue d'éléments sanguins. Alors donc, les divers composants sanguins solides qu'on retrouvera dans le sang sont donc les globules rouges. Et cette petite cellule est en fait un sac d'hémoglobine qui va fixer l'oxygène. Et son rôle, c'est essentiellement envoyer de l'oxygène partout dans notre corps, puisque nos tissus fonctionnent à l'oxygène. Les globules blancs, il y en a quelques-uns ici représentés sur la diapositive, les leucocytes, sont les cellules qui vont assurer notre protection contre les infections. Et finalement, les plaquettes sanguines, de toutes petites cellules qui sont représentées au bout de la flèche ici sur la troisième diapositive du bas, ce sont de toutes petites cellules extrêmement importantes qui vont empêcher et prévenir les saignements. Et lorsque quelqu'un se retrouve avec un déficit de plaquettes sanguines, mais on verra apparaître des saignements spontanés. Toutes ces cellules viennent d'une seule cellule et c'est un concept extrêmement important à comprendre pour la suite de la compréhension de la conférence. Alors, toutes les cellules sanguines sont dérivées d'une seule cellule qui est la cellule souche hématopoïétique. Cette cellule est donc une cellule précurseur de toutes les cellules sanguines. On va en retrouver un très petit nombre au niveau de la moelle osseuse. Évidemment, il n'y en a pas qu'une, là. Il y en a quand même plusieurs. Mais, par exemple, on peut retrouver une cellule sur 10 000 ou une cellule sur 100 000, une cellule souche sur 10 000 ou une cellule souche sur 100 000. Ces cellules qu'on manipule beaucoup dans le domaine de l'hématologie présentent deux caractéristiques extrêmement importantes. La première est l'autoréplication, c'est-à-dire de refaire des cellules souches. Puisqu'il sera nécessaire d'avoir un pool de cellules souches pendant toute votre vie qui va faire en sorte que vous allez pouvoir reformer votre sang et vous allez voir que des cellules sanguines, on en forme plus de milliards par jour. Ces cellules souches qui vont s'auto-répliquer vont fournir des cellules sanguines qui devront se différencier. C'est la deuxième caractéristique de la cellule souche. Elle se différencie, c'est-à-dire qu'elle vieillit, comme tout le monde évidemment, pour donner des cellules matures et qui, elles, vont assurer la fonction dont on a parlé tout à l'heure. Si elles se différencient en globules rouges, oxygénation des tissus, en globules blancs, prévention des infections et finalement en plaquettes pour la prévention des saignements. On a justement la hiérarchie sanguine qu'on voit ici sur cette diapositive où vous avez au-dessus, en haut, la fameuse cellule souche qui a cette propriété de se différencier dans tous les éléments sanguins. À gauche, complètement, le proérythroblaste qui sera le précurseur de des globules rouges. Au centre, diverses sortes de globules blancs parce qu'on verra dans quelques minutes qu'on forme plusieurs sortes de globules blancs et finalement, la portion de droite qui sont les précurseurs des plaquettes sanguines. Donc, la fameuse cellule souche, elle va former toutes ces cellules-là lors de son processus de différenciation. C'est justement cette cellule souche-là qu'on va vouloir transplanter d'un individu à un autre lors des greffes de moelle osseuse ou greffes de cellules souches hématopoïétiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs sortes de globules blancs. On retrouve les neutrophiles, par exemple. On va retrouver les monocytes, toutes sortes de cellules. Et il y a, entre autres, une cellule extrêmement importante aussi, qui sont les lymphocytes. Et du côté des lymphocytes, bien, on en a aussi encore plusieurs sortes. Les lymphocytes T, par exemple, qui sont responsables de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire ce sont des cellules tueuses qui vont reconnaître des cellules qui vont être infectées par des virus, par exemple, et qui vont permettre l'élimination de ces cellules-là. Les lymphocytes B est important ici à retenir parce que la leucémie lymphocyte chronique sera un problème au niveau des lymphocytes B. Alors, les lymphocytes B, ce sont des cellules qui sont responsables de l'immunité. humorale, c'est-à-dire que ce sont les cellules qui, ultimement, vont produire des anticorps qui vont nous aider à nous défendre contre les infections. Une cellule un peu moins bien connue, malgré tout très importante, la cellule NK, qui ressemble beaucoup aux cellules lymphocytaires T, c'est-à-dire des cellules tueuses, dont le récepteur sera différent toutefois. Alors donc, les lymphocytes vont se retrouver dans divers endroits au niveau du corps humain. Ils vont être, pour une bonne partie, produits dans la moelle osseuse. Ce sont des cellules qui vont circuler, donc on va les retrouver dans le sang périphérique, et qui vont aussi aller habiter les organes lymphoïdes. Qu'est-ce qu'on entend comme organes lymphoïdes? Les ganglions, la rate, les amygdales par exemple. Alors si on prend une biopsie de ces organes-là, on va retrouver à l'intérieur de ça une architecture remplie de toutes sortes de cellules, mais principalement de cellules lymphocytaires. Encore un concept important pour le suivi de l'histoire naturelle de la leucémie lymphoïde chronique. Deuxième concept extrêmement important qu'il faut comprendre dans la notion de base aujourd'hui, ce sont en fait les cancers hématologiques. Pourquoi développe-t-on des cancers hématologiques? En fait, c'est ce grand mot qui s'appelle l'oncogénèse. Comment une cellule peut devenir cancéreuse? On s'est rendu compte avec les recherches au cours des 30-40 dernières années que c'est un processus extrêmement complexe survenant en de multiples étapes. Et tout commence à ce niveau-ci. Encore une notion fondamentale, c'est-à-dire l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est une molécule extraordinaire et qui, en fait, nous définit qui nous sommes. C'est cette molécule qui consiste essentiellement, qui compose essentiellement tous nos chromosomes et qui vont définir qui nous sommes, justement. La molécule de DNA a des propriétés extraordinaires et est en fait une longue chaîne de plus petites molécules qui sont illustrées ici ATGC, un peu complexe, mais les bases purines et pyrimidines, qui vont nous définir tout comme les lettres vont définir un mot ou les vont écrire dans un livre si on veut. Et en fait, nos gènes sont une séquence continue de ces lettres-là posées dans des positions non pas au hasard, mais bien spécifiques et qui vont définir nos gènes. Dans un exemple ici, la molécule de DNA nous permet de faire de donner la vie, en fait, et de faire en sorte aussi qu'on va assurer la transmission. La molécule est faite de deux chaînes qui vont faire en sorte que lorsqu'elle est divisée, elle est répliquée, lorsqu'on divise nos cellules, ben on va utiliser une chaîne pour en faire une nouvelle molécule qui va se retrouver dans nos nouvelles cellules. Et une fois que ça s'est fait, toutefois, l'activité cellulaire, qui est en fait basée sur l'information qui est contenue sur la molécule de DNA, sera transmise via diverses chaînes de synthèse biochimique complexe qui vont ultimement terminer par des protéines qui sont en fait l'expression de nos cellules et qui vont faire en sorte que nos cellules vont faire leurs actions. Par exemple, on peut avoir des gènes qui vont sécréter de l'insuline et finalement la protéine qui est produite, c'est l'insuline. Et dans toutes les cellules ne produisent pas le même genre de protéines et évidemment, il va y avoir une spécificité selon la nature de la cellule. Mais toutes les cellules fonctionnent à base de ces protéines-là. Le problème est celui-ci, c'est que notre génome, ce qui nous constitue, contient actuellement environ 3 milliards de paires de bases, qui consiste à environ 40 000 gènes. C'est ce qui nous caractérise. Et comme vous savez probablement, la recherche est tellement avancée que depuis maintenant à peu près 5-6 ans, on a réussi à séquencer au complet le génome humain. Alors, ça devait être une animation, mais vous avez déjà la réponse ici. Et si je prends le génome humain de quelqu'un et je commence à écrire toutes les lettres que compose son génome, ATGC, et que j'écris ça dans un livre, vous avez ici, la question était combien de livres que ça ferait, mais c'est 30 000 livres par personne qu'on écrit pour une seule cellule. Et ça donne à peu près 6 millions de pages. Donc, chaque cellule contient l'équivalent de 6 millions de pages. Et le problème est le suivant, le problème, c'est que 30 000 livres ou 6 millions de pages, et à tous les jours, en fait, depuis qu'on a commencé la conférence, c'est arrivé à plusieurs milliards de fois, vous avez à réécrire ces milliards de pages, ces 6 millions de pages, des milliards de fois. Parce que la division cellulaire par jour est de plus de milliards de cellules. Alors, ça prend un processus qui est extrêmement précis, de façon à ce qu'on ne crée pas d'erreurs. Alors, il n'est pas surprenant que de temps à autre, il arrive des erreurs et que de temps en temps, il y a une mauvaise lettre qui remplace une autre. Et on va appeler ça une mutation, justement. Si bien que on peut arriver avec des altérations du DNA, des mutations qui peuvent arriver et créer une altération protéique. Des mutations qui vont arriver au niveau du DNA peuvent faire en sorte que la protéine va avoir une activité augmentée ou diminuée, et ça peut résulter en des pathologies. Les anomalies au niveau du DNA peuvent être héréditaires, vos parents vous l'ont transmis, et ça va être des maladies héréditaires, ou peuvent être encore acquises, comme ça va être le cas des leucémies. Mais juste pour vous donner un aperçu, je vous parlais de 6 milliards de paires de bases. L'anémie falciforme ici, qui est la maladie génétique la plus fréquente au monde, résulte en fait d'une anomalie d'une seule paire de bases sur le gène de l'hémoglobine. Il y a une lettre qui est changée, et cette lettre fait en sorte que la molécule d'hémoglobine perd toutes ses propriétés, devient beaucoup moins soluble et crée des problèmes qui est l'anémie falciforme. Alors, sur 6 milliards de paires de bases, il suffit qu'il y ait une erreur à la bonne place pour créer ce problème-là. Évidemment, il peut se créer toutes sortes d'erreurs qui sont sans conséquences, mais il peut arriver malheureusement des erreurs qui ont des conséquences et des erreurs qui sont acquises durant le cours du développement, au cours de la vie, et qui vont résulter en certains cancers, dont les leucémies. Ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est que notre DNA est soumis à un paquet d'insultes. Les insultes viennent des virus. Ces virus rentrent à l'intérieur de nos cellules et vont directement jouer dans notre code génétique, créer des erreurs. Les radiations, par exemple, créent des erreurs. Les toxines, toutes sortes de choses comme ça. Et évidemment, les erreurs de réplication. Si vous divisez vos cellules des milliards de fois par jour, il peut arriver de temps en temps qu'ils fassent des erreurs. Ça crée donc des mutations génétiques. La cellule devient normale et éventuellement, on va avoir ultimement des néoplasies qui vont être la résultante de tout ça. Mais ce processus-là se fait en multiples étapes. Par exemple, les anomalies génétiques qu'on pense à la base du développement des cancers, dont les leucémies, en fait, en général, ça prend beaucoup plus qu'une seule anomalie. L'anomalie 1 arrive, ne développe pas de cancer. Tout à coup, il y a une deuxième anomalie qui arrive au niveau d'une cellule. Pas encore de cancer, mais la cellule est plus susceptible. Et finalement, une troisième anomalie qui arrive et le développement du cancer. Et c'est une des raisons qui explique le fait que la majorité des cancers arrive souvent chez les personnes âgées, beaucoup plus que chez les enfants. Vous avez compris toutefois que si on arrive au monde avec des anomalies déjà, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps avant qu'il y ait le développement d'un cancer, par exemple. Une des avancées incroyables qui existent aujourd'hui, ce sont justement les progrès qui sont faits constamment dans l'identification de ces anomalies chromosomiques-là. Et c'est pas seulement pour faire écrire des papiers ou avoir seulement les démontrer. Ces anomalies chromosomiques-là résultent souvent en développement de nouveaux médicaments qui vont justement cibler ces anomalies. Qu'est-ce que la leucémie? Alors, ça vient du grec leucémie, leucos qui veut dire blanc, hema qui voulait dire le sang, alors du sang blanc. Et en fait, lorsque les patients n'étaient pas traités et on faisait justement une prise de sang et on regardait leur sang, bien, il y avait une grosse couche blanche qui était justement cette multiplication de cellules de globules blancs qui se retrouvaient dans le sang du patient. Et finalement, c'est un cancer de la moelle osseuse. Qui va se caractériser par une prolifération anormale de cellules sanguines, des globules blancs normaux, ou encore sur le synonyme des leucocytes. Et leucémie est un terme général, car comme vous le savez, il y a plusieurs types de leucémie. Plusieurs types différents de leucémie qui viennent de nos leucocytes. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs types de leucocytes différents. À gauche, les granulocytes. qu'on met aussi par définition, par synonyme, je veux dire, dans la myéloïde, on aura donc les leucémies qui se développent du côté de ces cellules-là, les leucémies myéloïdes aiguës ou encore des leucémies myéloïdes chroniques. Finalement, si la maladie atteint le lymphocyte, bien, on peut avoir des leucémies lymphoïdes aiguës ou encore le sujet de ce soir, la fameuse leucémie lymphoïde chronique. Encore la même chose sur cette diapositive qui parle des hémopathies malignes en général, qui nous dit que si la lignée myéloïde est atteinte, ben, ce sera une leucémie myéloïde, ou encore la lignée lymphoïde, ce sera donc une leucémie lymphoïde. Les leucémies se distinguent aussi sur le plan clinique. Lorsqu'un patient est atteint d'une leucémie aiguë, il y a urgence de traiter le patient, de l'admettre à l'hôpital la plupart du temps, parce que cette maladie sera rapidement mortelle si jamais, évidemment, le patient n'est pas traité. Leucémie chronique, toutefois, c'est tout autre chose. Les patients peuvent être atteints de leucémie chronique, que ce soit myéloïde ou lymphoïde chronique, sans s'en rendre compte, et être totalement asymptomatique sur plusieurs mois, voire à plusieurs années. La leucémie lymphoïde chronique, je pense qu'on a fait, on a établi les bases, des notions de base pour mieux comprendre cette maladie-là. C'est une maladie donc du lymphocyte dont l'évolution est extrêmement lente et peut, dans la plupart des cas, et peut dépasser 15 ans, 20 ans. J'ai des patients que je suis encore et dont le diagnostic a été fait ou lorsque je suis revenu de fellowship il y a maintenant près de 20 ans. On voit la moyenne d'âge même augmenter avec notre population qui vieillit. Il me semble de mémoire que quand j'avais fait mon cours de médecine, on parlait d'une moyenne d'âge aux alentours de 65 ans. Aujourd'hui, on parle d'une moyenne d'âge aux alentours de 72 ans. Et vous avez sur le graphique ici l'incidence selon l'âge. Et on voit qu'entre 75 et 84 ans, on a une incidence extrêmement augmentée ici. Mais la moyenne se situe aux alentours de 72 ans. Il arrive aussi parfois, extrêmement rare dans l'enfance, personnellement j'en ai jamais vu chez des gens aussi jeunes, entre 0 et 20 ans, comme vous voyez c'est très rare, mais malheureusement il peut arriver des patients qui sont atteints de cette maladie-là aussi jeunes que 30 et 40 ans, comme on le voit sur ce graphique ici. J'ai avancé? Oui. Voilà, la prochaine. Comment fait-on le diagnostic? Vous êtes référé chez votre médecin qui vous voit, c'est une forme sanguine, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va falloir aller voir la plupart du temps un hématologue. Alors, comment fait-on le diagnostic? Ben, comme je vous le disais, votre médecin peut vous faire, à la suite d'un examen routine, une formule sanguine, et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des lymphocytes sur la formule sanguine. On a un exemple là, sur le frottis sanguin qui est ici, les petites boules bleues ici, ce sont des lymphocytes. Il ne devrait pas en avoir autant sur le frottis sanguin. Le patient aussi peut s'en rendre compte lui-même par la découverte d'une bosse au niveau du cou ou ailleurs au niveau des veines. Il prend sa douche, se rend compte qu'il y a une bosse et il consulte son médecin à ce moment-là. Vous allez comprendre pourquoi les ganglions sont enflés dans quelques minutes. Mais la plupart du temps, les patients ne présenteront pas de symptômes, tout au moins au début du diagnostic. C'est par la suite que le patient va présenter des symptômes. Bien entendu, il peut évoluer pendant des années de temps sans que le diagnostic ait été fait et soudainement présenter des symptômes comme de la fatigue, perte de poids ou des choses comme ça, et à ce moment-là, consulter pour ces raisons-là. Lorsque l'hématologue ou le médecin est confronté à une augmentation des lymphocytes ou une lymphocytose, il peut se poser des questions et le suivi clinique peut l'aider beaucoup. Cette augmentation-là peut être transitoire ou encore permanente, ce qui veut donc dire que le patient devra revoir son malade pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Parce que toute augmentation de lymphocytes ne veut pas dire nécessairement une leucémie lymphoïde chronique. En fait, la majorité des patients qui présentent une augmentation des lymphocytes, cette augmentation sera transitoire et secondaire à des infections virales, comme par exemple la mononucléose infectieuse, mais qui arrive la plupart du temps chez les gens beaucoup plus jeunes. On aura donc une augmentation chez les patients chez qui c'est transitoire de la lymphocytose, mais qui ne dure pas fort, et au bout d'une semaine ou deux, on fait un contrôle des formules sanguines et c'est rentré dans l'ordre. Et c'est un signe, lorsque ça arrive, le fait que le patient est atteint d'une infection virale. Évidemment, l'histoire clinique est là aussi pour le dire, à savoir que le patient a présenté de la fièvre, des symptômes, en même temps que cette augmentation de lymphocytes. Toutefois, il peut arriver cette situation relativement fréquente où il y a une augmentation des lymphocytes et lorsque vous faites des contrôles, cette augmentation des lymphocytes persiste et il n'y a pas de contexte infectieux sur lequel on peut s'appuyer pour dire que ce serait à cause de ça qu'il y a une augmentation des lymphocytes. La plupart du temps, lorsqu'on a une augmentation qui ne permanente, que les globules ne reviennent pas, ne rentrent pas dans l'ordre, ben, c'est souvent une origine néoplasique ou cancéreuse et la plus grande, le diagnostic le plus fréquent sera donc la leucémie lymphoïde chronique. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, totalement asymptomatique ou associé à des symptômes B. On y réfère souvent dans mon jargon hématologique. Les symptômes B sont une perte de poids, de la fièvre inexpliquée ou encore des sudations la nuit, mais des sudations extrêmement importantes là, pour mouiller votre pyjama ou les draps. On peut avoir la présence ou non de ganglions en fait de volume ou encore d'une grosse rate. Ganglions augmentés de volume sont des adénopathies ou encore la sténomégalie, l'augmentation du volume de la rate. Des exemples ici, d'une analyse d'une lymphocytose avec le contexte clinique. Par exemple, j'en ai vu un dans le temps des fêtes, un jeune homme de 18 ans qui avait faisait de la fièvre depuis environ une semaine, qui avait des ganglions cervicaux extrêmement augmentés de volume, avait aussi des amygdales augmentées de volume, mais le premier diagnostic qui s'imposait ici était une mononucléose infectieuse. Par contre, un homme de 68 ans qui a un frottis sanguin qui lui ressemble, la couleur ici est un artefact de coloration, mais qui lui avait pas de symptômes, qu'on a découvert un nombre élevé de lymphocytes à la fourmile sanguine, et chez ce patient-là, le diagnostic était une leucémie lymphoïde chronique. Alors, un contexte clinique complètement différent, jeune homme symptomatique, personne plus âgée, non symptomatique, chez qui la lymphocytose est permanente. Oups, c'est à la fin. On va revenir, excusez-moi. Petite erreur technique, on revient. Ah, voilà. Je pense qu'on peut, excusez-moi. On peut aller. Ça va être beaucoup plus simple de venir. Oui. C'est rendu à peu près. Ouais, ça s'est passé. Voilà. Excellent. Alors, lorsqu'on voit un patient avec une augmentation des lymphocytes dans le sang et on s'oriente vers une leucémie lymphoïde chronique, il y a quand même un diagnostic différentiel qui doit être fait et ça rentre à l'intérieur d'une grande catégorie qu'on appellera les syndromes lymphoprolifératifs B. Le premier représentant est nettement la leucémie lymphoïde chronique, mais il peut avoir d'autres entités qui vont ressembler beaucoup à la leucémie lymphoïde chronique. Un lymphome à expression leucémique, un lymphome va être aussi un cancer des ganglions, qui, de temps en temps, peut avoir une expression leucémique, à savoir qu'on va retrouver des cellules lymphocytaires anormales au niveau du sang. La tricholeucémie, qu'on va distinguer facilement, habituellement par la morphologie distincte, ce sont des cellules avec chevelues, d'où le nom, et qui peuvent quand même ressembler à la leucémie lymphoïde chronique. La leucémie prolymphocytaire, qui ressemblera aussi à la leucémie lymphoïde chronique, mais dont l'évolution va être beaucoup plus rapide. Et finalement, une entité relativement rare, qui est la leucémie à large lymphocyte granuleux. Alors, lorsqu'on est confronté à ça, ben, il faut faire un diagnostic et même si la LLC va être la plus grande représentante, il faut s'assurer du bon diagnostic parce que, évidemment, les traitements vont être différents. Dans la boîte rouge, c'est marqué marqueur 2, il manque un mot, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, mais ça devait être marqueur de surface. Alors, quels sont les marqueurs cellulaires ou ce sont des tests qu'on va faire en laboratoire pour aller mieux caractériser nos cellules? En fait, ce sont des réactifs qui sont à base d'anticorps qui vont reconnaître des structures spécifiques à chacune des diverses pathologies dont on a parlé tout à l'heure. Et en utilisant ces réactifs-là, il va être possible pour l'hématologue de faire la distinction entre ces diverses pathologies lymphoïdes. L'autre chose, c'est que certains de ces marqueurs-là vont être extrêmement utiles pour déterminer si on sera en face d'une leucémie lymphoïde chronique qui sera à bon ou à mauvais pronostic. On verra des exemples tout à l'heure. Alors, c'est l'appareil, juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, bien, le sang est passé à travers un appareil et chaque cellule est analysée une à une avec divers réactifs. Et cet appareil-là va nous permettre de faire la distinction avec certaines caractéristiques de toutes les cellules sanguines qu'on va retrouver dans un produit sanguin. C'est une technologie extrêmement puissante parce qu'on peut, en quelques minutes, faire l'analyse de plus de 50 000 cellules. Et si vous regardez ici, sans aller dans les grands détails, vous avez des diagnostics différentiels potentiels de quelqu'un qui se présenterait avec une lymphocytose anormale. Et les réactifs qu'on utilisera, ce sont des marqueurs, les fameux marqueurs. Ils ont des numéros, CD19, CD5, CD23. Et on verra qu'avec la combinaison de ces marqueurs-là, on sera capable de poser un diagnostic. De façon caractéristique, par exemple, la leucémie lymphoïde chronique sera une prolifération cellulaire anormale de cellules qui sont CD19 positives, CD5 positives et CD23 positives. Si vous regardez ce pattern-là, vous ne le retrouvez pas pour les autres entités. Donc, un patient qui présente une lymphocytose et dont les marqueurs sont CD19, CD5 et CD23 aura un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique confirmé. Alors ainsi, pour l'hématologue, le diagnostic est extrêmement facile. Ce type de cellules, CD19, CD5 et CD23, devra occuper plus de 5000 lymphocytes par microlitre. C'est la leucémie lymphoïde, mais c'est la leucémie la plus fréquente. Donc, je vous disais tout à l'heure, la moyenne d'âge est maintenant de 72 ans, mais chez qui 30% des patients sont âgés de moins de 65 ans. La maladie, on l'a dit tout à l'heure, a une évolution dans la plupart du temps assez lente. L'évaluation initiale qui devra être faite sera bien évidemment une histoire et un examen clinique, de façon à identifier si le patient a des symptômes secondaires à la leucémie lymphoïde chronique. L'hématologue ira voir le froid sanguin, ce que vous voyez là, parce que c'est une première analyse qui est extrêmement importante. Et pour la majorité des hématologues, ou dans la majorité des cas, je devrais dire, il est relativement simple que le froid sanguin nous oriente vers la leucémie lymphoïde chronique parce qu'elles ont des caractéristiques particulières. Malgré tout, il faudra absolument regarder les marqueurs de surface pour confirmer le profil CD19, CD5 et CD23. Et finalement, une chose qui est toute nouvelle, relativement récente, il sera désormais extrêmement important de regarder les anomalies des chromosomes par diverses technologies, puisqu'elles sont extrêmement importantes dans le pronostic de cette maladie-là. Je vous le disais tout à l'heure, la leucémie lymphoïde chronique, la plupart du temps, au début, sera asymptomatique. Le diagnostic sera fait sur une prise de sang lors d'un contrôle usuel ou encore, qui a été ça dans un bilan de santé. Les symptômes pourront apparaître ou seront présent au diagnostic si le patient a eu un diagnostic tardif. Le patient pourra présenter de la fatigue, ce qui est extrêmement non spécifique. Présenter une augmentation du risque des infections, faire des sinusites, des bronchites, des pneumonies à répétition. Pourra présenter, ce n'est pas un symptôme, mais un signe, présenter des ganglions augmentés de volume et une perte de poids. Et finalement, ce qui mènera au diagnostic après une prise de sang, après une formule sanguine. On verra dans le sang une augmentation graduelle des lymphocytes. Le patient qui va se présenter avec une lymphocytose et qui est asymptomatique ne sera pas traité immédiatement, mais sera suivi. Et ce qu'on va voir dans l'histoire naturelle, c'est une augmentation graduelle au cours des mois, des années, du nombre de lymphocytes au niveau du sang. On va voir la classification de Wright tout à l'heure qui illustre bien l'histoire naturelle de cette maladie-là. On assistera aussi plus tardivement à une diminution graduelle des cellules normales du sang. Les lymphocytes augmentent de façon importante, les lymphocytes malins augmentent de façon importante, graduelle, et associé à ça, on verra apparaître de l'anémie, des neutropénies, thrombopénie. L'anémie, diminution du niveau d'hémoglobine, donc moins d'oxygénation au niveau du tissu. Ça se traduit comment? Ben, par de la fatigue, des palpitations, de l'angine chez les gens qui auront des antécédents cardiaques. Les neutropénies, soit une diminution des granulocytes, une sorte de globules blancs qui nous défendent contre les infections, eh bien, ça va faire en sorte qu'on va avoir une augmentation du risque infectieux. Ce qu'il faut dire, c'est que les fameux lymphocytes sanguins anormaux de la leucémie lymphoïde chronique, enfin, ils sont essentiellement inutiles parce qu'ils ne nous protègent pas contre les infections. Ils n'ont aucune action utile, ces lymphocytes-là. Finalement, on va voir apparaître des thrombopénies en décours de la maladie, c'est-à-dire une diminution des plaquettes, et avec cette diminution des plaquettes, une augmentation du risque de saignement. L'histoire naturelle est bien identifiée par les divers stades de la maladie. Premier stade, stade 0, dans la classification de Rai. Rai est un hématologue bien connu dans le domaine qui a fait de nombreuses études sur la leucémie lymphoïde chronique et qui a fait une classification qui est fort utile. Le stade 0 est donc un patient qui se présentera seulement avec une lymphocytose. Il ne présentera aucun symptôme, pas de ganglion, pas d'augmentation du flot de la race, pas d'anémie, pas de thrombopénie. Et la plupart du temps, ce patient-là est totalement asymptomatique. Graduellement, avec l'évolution de la maladie, on verra apparaître une augmentation du volume des ganglions, que ce soit des ganglions dans le cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine, et au niveau des veines. Mais bien évidemment, on peut avoir énormément de ganglions augmentés de volume au niveau de l'espace entre les deux poumons, le médiastin ou au niveau abdominal. Et ça, ben, ce sera révélé par des examens radiologiques seulement. Par la suite, on voit apparaître la plupart du temps, ça se fait de façon séquentielle, une augmentation de la rate, qui est un siège aussi, qui ressemble beaucoup à un ganglion. Essentiellement, c'est rempli de cellules lymphocytaires. Et ces fameuses cellules-là peuvent aussi infiltrer le foie et faire en sorte que le patient va présenter une augmentation du volume du foie. La maladie progresse, éventuellement, va donner de l'anémie, c'est-à-dire une diminution du niveau d'hémoglobine. Et dans la classification de Rai, on va appeler un patient anémique lorsqu'il présentera une hémoglobine sous les 110 grammes par litre, la normale est en haut de 130 ou à 140. Même chose, par la suite, on verra apparaître une thrombopénie, c'est-à-dire une diminution des plaquettes, et les plaquettes qui normalement se situent en haut de 150 000 seront désormais en bas de 100 000 avec cette échelle de gradation. Je vous ai dit, peut-être reculé, que au début, les stades 0, la plupart du temps, les patients sont totalement asymptomatiques. Les stades 4, les patients seront symptomatiques. Mais évidemment, ça va se traduire par une survie qui est différente. Si on regarde la médiane de survie, médiane veut dire que 50% des patients seront encore en vie. Mais lorsqu'on regarde, bien, à 150 mois ou plus de 10 ans, un patient qui s'est présenté avec une lymphocytose seule au diagnostic, la médiane est au-delà de 150 mois. Mais lorsqu'on regarde, c'est un patient qui va être un stade 4, bien, la médiane sera beaucoup plus courte. Et évidemment, on se devra d'agir à ce niveau-là pour augmenter la survie des patients. Une fois qu'on a dit ça, il est clair que toutes les LFC ne sont pas égales et n'auront pas la même évolution. Et on travaille énormément en recherche pour identifier les facteurs pronostiques qui vont faire en sorte que on va pouvoir dire ben patient A devra être traité plus précocement que le patient B, par exemple, de façon à améliorer son évolution. Les éléments déterminants qui sont assez simples sont, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le stade de la maladie, mais on travaille énormément fort sur la biologie de la maladie, justement en identifiant des marqueurs biologiques, des antigènes de surface qui ont des implications pronostiques, ou encore beaucoup de travail se fait actuellement sur l'identification des anomalies chromosomiques. L'évaluation du pronostic se fera dans un premier lieu par la classification de Rai. Une chose qui est relativement simple, mais qui prend au moins un an avant de le savoir, c'est le temps de dédoublement de la lymphocytose. Un patient qui va se présenter, par exemple, avec 15 000 lymphocytes anormaux et qui, l'année d'après, se retrouve avec 17 000 lymphocytes, immédiatement, on sait très bien que ce patient-là a un excellent pronostic, puisque le temps de dédoublement est beaucoup plus qu'un an. Et à ce moment-là, il a été bien identifié que ces patients-là évoluent extrêmement lentement. Toutefois, si le patient avait un dédoublement beaucoup plus rapide, mais on sait qu'on est en face d'une maladie plus agressive. Un marqueur qui s'appelle la bêta-2 microglobuline, on a identifié, ce dose dans le sang, que les patients qui avaient une bêta-2 microglobuline augmentée avaient une progression rapide. Et finalement, les marqueurs de surface, deux marqueurs sur lesquels il y a beaucoup de travail qui se fait. Si les patients peuvent avoir à la surface de leur cellule la présence du CD38 ou encore d'une autre molécule qui s'appelle le ZAP70. Et lorsque c'est identifié, bien, on sait très bien que maintenant que ces patients-là vont avoir une évolution plus rapide. Ça fera donc partie de l'évaluation initiale du patient lorsqu'il se présente pour savoir si ces marqueurs sont présents et si on pense que le patient va évoluer plus rapidement. Les travaux sont focus aujourd'hui sur des anomalies au niveau des chromosomes. Je vous ai dit d'entrée de jeu dans les notions de base que ce sont des anomalies au niveau des chromosomes qui sont responsables de le processus oncogénique de ces maladies-là. Et on a désormais énormément de techniques qui nous permettent d'aller identifier ces anomalies-là. Que ce soit des techniques de cytogénétique standard, un grand mot pour dire qu'on regarde les chromosomes, cette cytogénétique est toutefois pas beaucoup utilisée parce qu'elle nécessite des cellules qui sont capables de pousser en laboratoire. Et ce qu'on sait, c'est que les cellules de leucémie lymphoïde chronique poussent très mal en laboratoire, donc il sera extrêmement difficile d'avoir des cellules chez qui on va pouvoir séparer les chromosomes. On est capable de passer à côté de cette problématique-là en utilisant des cellules qui ne se divisent pas, mais chez qui on va utiliser des techniques comme le FISH qui est marqué ici, c'est-à-dire on utilise des sondes bien connues qui identifient des anomalies qu'on connaît et qui vont nous dire si elles sont présentes ou pas. Finalement, il y a d'autres techniques qui vont aller cibler directement les gènes pour les mettre en évidence, les techniques d'amplification génique, où vous avez peut-être déjà entendu parler de PCR. Toutes ces techniques-là seront utilisées de façon à identifier des anomalies qui vont avoir un intérêt pronostique. Un peu complexe, mais une analyse fort pertinente qui est de regarder si le gène des immunoglobulines à l'intérieur des cellules leucémiques présente ou non des mutations. Et c'est lorsque on trouve une LLC qui a un phénotype non muté, cette information nous dit que le patient est à mauvais pronostic et pourra bénéficier de thérapies plus intensives. Finalement, les anomalies FISH, il y en a de plus en plus qui ont été identifiées. On doit les connaître pour les rechercher puisque ce sont des sondes qu'on va utiliser spécifiques à l'anomalie qu'on recherche. On en a justement identifié ici 5 qui sont d'importance capitale. Nous avons par exemple la délétion du bras court du chromosome 17, dont la survie médiane des patients qui ont cette anomalie-là sera de 32 mois au diagnostic, alors que la délétion du chromosome 13, elle, est associée à un excellent pronostic puisque la survie médiane est au-delà de 133 mois. De façon fort intéressante, si on regarde, la délétion du chromosome 13 qui confère un bon pronostic est fort heureusement beaucoup plus fréquente, soit 55% des patients présenteront cette anomalie-là, comparé à seulement 7% des patients qui vont présenter l'anomalie 17P, ce qui est une bonne nouvelle puisque, comme vous le voyez, l'anomalie 17P confère un mauvais pronostic. On a des pronostics intermédiaires, aussi au niveau de la trisomie 12, par exemple, avec des survies médianes de 114 mois. Des patients aussi pourront ne pas présenter d'anomalies. En fait, ce sont des patients qui ont des anomalies, mais on est incapable de les identifier et qui vont avoir un bon pronostic aussi. Finalement, la délétion du chromosome 11 confère un pronostic plus ben, qui est beaucoup mieux que la 17C, mais malgré tout intermédiaire par rapport à la délétion du chromosome 13. Fort heureusement, on a seulement 18% des patients qui seront atteints et qui auront la délétion du chromosome de la délétion du 11Q. Et lorsqu'on regarde ici, finalement, ben, les LLC à mauvais pronostic sont, ont une prévalence d'environ 25%, ce qui fait que le bon pronostic est présent chez 75% des patients. Les patients, au cours de leur évolution, pourront présenter des complications. Par exemple, risque infectieux augmenté, secondaire à la maladie. Ces patients, lorsqu'ils se présentent, ont en fait un état d'immunosuppression. Ils ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien, si bien qu'ils vont être beaucoup plus sensibles à faire toutes sortes d'infections. Les infections les plus fréquentes seront des infections au niveau de la sphère ORL, des sinusites, des bronchites, d'autant plus important si le patient est un fumeur, par exemple. Ils pourront présenter aussi des infections virales, je pense ici entre autres à du zona. Ça peut être le premier mode de présentation qui révèle en fait un état d'immunosuppression chez le patient et qui est secondaire à la leucémie lymphoïdienne. Évidemment, il n'y a pas seulement la maladie qui va faire en sorte que le patient va être à risque d'infection, mais malheureusement, les traitements qu'on va donner au patient. Les traitements qu'on donne affectent les mauvaises cellules et c'est ce qu'on veut, vont diminuer la prolifération de ces cellules-là, vont tenter de les éliminer, mais ne sont pas sans conséquences et vont avoir aussi des conséquences sur les cellules sanguines normales en diminuant souvent de façon transitoire, mais les bons globules blancs qui nous protègent contre les infections. C'est d'autant plus vrai si un patient a reçu plusieurs lignes de traitement. Et les différents traitements qui sont administrés, les premiers pourront être associés à peu d'immunosuppression ou rendre le patient moins apte à des infections. Mais lorsqu'un patient a reçu 2, 3, 5, 6 lignes de traitement, puisque maintenant on en a énormément de lignes de traitement, bien évidemment, ça a des conséquences cumulatives et le patient devient à ce moment-là beaucoup plus à risque de faire des infections. Une des choses qu'on voit avec l'histoire naturelle de la maladie et aussi à cause des traitements, c'est une diminution graduelle du taux d'anticorps, des anticorps normaux dans le sang. Il n'est pas rare de faire des dosages chez ces patients-là et de s'apercevoir qu'ils sont hypogammaglobulinémiques, un gros mot pour dire que les anticorps normaux dans le sang sont abaissés. Et plus la maladie évolue, plus on va voir un abaissement de ces anticorps normaux. Les anticorps normaux dans le sang, évidemment, sont nécessaires à nous protéger contre les infections. C'est un autre élément et qui va faire en sorte que ces patients-là vont être plus à risque à faire des infections. On va retrouver aussi des complications auto-immunes. De façon un peu bizarre, ces cellules-là provoquent un dérèglement de notre système immunitaire en le rendant moins efficace, mais aussi va permettre la production de drôles d'anticorps qui sont dirigés contre nous-mêmes. Et ces anticorps dirigés contre nous-mêmes, ce sont des anticorps dirigés principalement contre les cellules sanguines et qui vont détruire les globules rouges ou encore les plaquettes. Et c'est un autre mécanisme qui va faire en sorte que les globules rouges et les plaquettes pourront être atteints. Et ça, on peut voir ça à l'occasion, même au début, dans le stade précoce de la maladie. Lorsqu'on voyait tout à l'heure qu'un stade 4 était associé avec une anémie et une diminution des plaquettes, et c'est souvent parce que la moelle osseuse, l'usine de production du sang, est infiltrée par les cellules leucémiques. Dans le cas qui nous occupe ici, lorsqu'il y a une diminution en raison d'anticorps qui sont produits contre les globules rouges, contre les plaquettes, en fait, la production des globules rouges et des plaquettes, elle est normale, sauf que la cellule, la leucémie lymphoïde chronique favorise la production d'auto-anticorps qui détruisent les globules rouges et les plaquettes chez ces patients-là. Et même si à ce moment-là, le patient se présente dans un stade précoce, ce sera une indication de débuter un traitement chez ces patients-là. ces deux notions-là, en fait, la diminution des globules rouges sera appelée une anémie, en raison des anticorps, j'entends, sera appelée une anémie hémolytique auto-immune ou encore une thrombopénie immune lorsque ça atteint les plaquettes. Et malheureusement, ça peut atteindre à la fois les globules rouges et les plaquettes et avoir un abaissement de ces deux lignées-là en raison d'anticorps, d'auto-anticorps. Les principes de traitement maintenant, plusieurs le savent probablement déjà, le patient peut être observé pendant longtemps sans traitement, sans que ça altère sa longévité ou encore que ça ait des conséquences sur la progression de la maladie. En fait, il y a beaucoup d'art là-dedans pour déterminer si le patient doit être traité. Et en médecine, la première chose qu'on doit faire, c'est de ne pas nuire. Il est inutile de commencer un traitement chez un patient s'il n'en a vraiment pas besoin. Toutefois, c'est des patients qui doivent être suivis. On ne les laisse pas partir dans la nature en leur disant que vous finirez de voir quand ça ira pas. Alors, je recommande maintenant un suivi 2 à 3 fois par année. Et évidemment, ce sera nettement plus souvent si le traitement est institué ou encore si le patient présente des complications. Lorsque le patient sera vu, évidemment, il sera questionné, examiné et les prises de sang seront faites. Et ça va permettre au médecin d'évaluer si la leucémie lymphoïde chronique évolue et à ce moment-là décider s'il est opportun de commencer un traitement. Une petite notion que je veux vous dire, parce qu'on le voit souvent, c'est qu'il est bien rare que l'augmentation seule des lymphocytes, même si cette augmentation est très importante, est une indication de traitement. J'ai vu des patients qui pouvaient se promener aux alentours de 100-150 000 lymphocytes et qui n'avaient pas de ganglion, pas d'anémie, pas de thrombopénie, chez qui j'ai observé sans que ça ait de conséquences. Par contre, il est bien évident que la plupart du temps, lorsqu'un patient présente une augmentation importante des lymphocytes, bien, ce sera dans la plupart du temps associé à une augmentation des ganglions ou encore des anomalies de la fourmi sanguine, et ainsi un stade plus élevé qui nécessitera un traitement. Les indications du traitement maintenant sont une fatigue extrême qui ne serait pas expliquée par d'autres conditions médicales, un ganglion ou une adénopathie qui serait de plus de 10 cm, splénomégalie ou hépatomégalie avec symptômes, c'est-à-dire augmentation de la rate ou du foie et qui serait inconfortable pour le patient. Un stade 3 ou un stade 4 qui serait secondaire à la leucémie lymphoïde chronique. Il peut arriver que le patient peut être anémique pour d'autres raisons. La maladie hématologique auto-immune, anémie ou thrombopénie. Et enfin, après avoir dit que la lymphocytose seule n'est pas une indication, je vous ai mis ici 300 000 et plus, mais tout le monde s'entend qu'à ce niveau-là, il serait important de commencer un traitement. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez au-delà de 300 000 lymphocytes par microlitre, il est fort probable que vous allez avoir aussi des ganglions et des symptômes associés à cette augmentation de lymphocytes dans le sang. Quels sont les traitements? On va faire un bref survol des traitements disponibles. Il y en a plusieurs. Le but sera de contrôler la maladie. Malheureusement, ce n'est pas une maladie qu'on peut guérir. C'est une maladie qu'on peut contrôler pendant des années et faire en sorte que le patient pourra ne pas être ennuyé du tout de cette maladie-là. Il y a une seule façon de guérir cette maladie-là, le monde va s'entendre là-dessus, c'est la greffe de cellules souches d'un donneur apparenté ou non. Et cette modalité de traitement sera réservée pour des patients très jeunes. Donc, le traitement doit être adapté à la condition du patient et plusieurs choses rentrent en ligne de compte. Le patient très jeune, par exemple, recevra le plus souvent, et qui évolue bien entendu, recevra le plus souvent un traitement intensif, souvent aller jusqu'à une greffe de cellules souches d'un donneur, mais une greffe allogénique. Le patient en excellente santé, sans égard à son âge, pourra avoir un traitement intensif, sans greffe si c'est un patient très âgé. Et finalement, le patient âgé ayant d'autres conditions médicales qui fait en sorte qu'il est plus frêle, plus à risque d'avoir des complications des traitements, on lui réservera à ce moment-là un traitement plus léger. Une des choses importantes pour les patients porteurs d'une leucémie lymphoïde chronique sera le traitement agressif des infections. Ce que je veux dire par là, c'est que ces patients présentent des infections fréquentes, il sera important de les traiter avec antibiothérapie appropriée et parfois avec des antibiothérapies données en prophylaxie avant même que ces infections-là se développent. Quelques traitements que j'ai voulu vous nommer ici, chlorambucil ou leucérin, qui est un vieux médicament qui a encore sa place, et qui est un médicament qui est simple puisqu'il se donne par la bouche, de façon orale. Des analogues de purine, un médicament fréquemment utilisé, la fludarabine, qui maintenant est utilisée de façon orale ou intraveineuse, et la cyclophosphamide, qui reprend la place dans le traitement de cette maladie-là. Dans les dernières années, on a vu apparaître des traitements immunologiques, des anticorps monoclonaux qui sont dirigés directement contre les cellules leucémiques, donc ils vont aller cibler ces cellules-là de façon spécifique, le rituximab ou rituxan, ou la lentuzumab, qui est le CAMPAT, qui est utilisé aussi moins fréquemment toutefois. Ce qui se développe énormément désormais, ce sont les thérapies combinées. L'utilisation de ces divers médicaments-là, FR, fludarabine, rituximab, SC, fludarabine, cyclophosphamide, ou encore FCR, fludarabine, cyclophosphamide et rituxan. On comprendra que l'utilisation de thérapies combinées sera associée à des complications plus importantes. Voilà. Avec ce projet pour finir. Hein? Alors donc, ici. L'utilisation des thérapies combinées, je disais, va entraîner plus de réponses, mais malheureusement plus de complications. Le leucérin est un traitement extrêmement pratique, peu toxique, c'est quand même pas du bonbon, et permet un contrôle de maladie, mais a le défaut de ne pas donner de rémission complète fréquente. La fludarabine a nettement une efficacité supérieure au leucérin, donne plus de diminution du système immunitaire toutefois. Le rituximab seul ne fonctionne à peu près pas dans la leucémie lymphoïde chronique, à moins qu'on l'utilise à très forte dose, ce qui est rarement ou jamais fait. Par contre, on s'est rendu compte que lorsqu'il est combiné avec une chimiothérapie, entre autres la fludarabine, on a une excellente, des taux de rémission complète qui sont extrêmement importants. Alors, on retrouvera aujourd'hui comme fréquemment utilisé la fludarabine avec le rituximab, ou encore un traitement dont on a parlé beaucoup lors du dernier congrès d'hématologie, le FCR, fludarabine, cyclophosphamide et rituximab, qui, avec lequel on est capable d'obtenir des rémissions complètes, c'est-à-dire plus d'évidence de maladie, dans 70% des cas. Il faut comprendre que c'est une avancée incroyable, puisque jusqu'à tout récemment, le taux de rémission complète avec le leucérin était de 5%, avec la fludarabine seule, d'environ 30%, et maintenant on est rendu dans certaines études jusqu'à 70%. La lentuzumab, un anticorps monoclonal qui a une activité relativement forte, mais beaucoup d'effets secondaires, mais on s'est rendu compte qu'il pouvait être actif principalement chez des patients qui étaient à mauvais pronostic avec la délétion du bras court du chromosome 17. Il y a beaucoup de nouveaux traitements à l'horizon, soit des combinaisons ou encore l'apparition de nouveaux anticorps monoclonaux qui seront utilisés avec les autres thérapies, et un traitement relativement récent qui est la lénalidomide, qui est très prometteur puisque semble extrêmement efficace pour donner des rémissions chez les patients porteurs de leucémie lymphoïde chronique. Tous ces progrès récents ont fait en sorte que on a amélioré la qualité de nos traitements. Ça s'est traduit fort heureusement aujourd'hui par une amélioration de la survie, une amélioration de la qualité de vie des patients. Et aujourd'hui, alors qu'on ne le pensait pas avant, on est capable désormais d'envisager la possibilité de guérir cette maladie. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit finalement, c'est que la LLC est une maladie chronique. On a de nombreuses modalités thérapeutiques qui vont être utilisées successivement par période de traitement et de rémission, malheureusement de récidive, mais ces nombreuses modalités thérapeutiques nous permettent maintenant de contrôler la maladie. La grande majorité des patients ne mourront pas de cette maladie, même s'ils peuvent la garder toute leur vie. Et le message d'espoir là-dedans, on l'a vu dans le cours des dernières années avec les progrès importants qui ont été notés, c'est que la recherche continue pour mieux comprendre, mieux traiter et ultimement guérir cette maladie. Je vous remercie de votre attention et on sera prêt pour les questions maintenant. La première question. J'ai la leucémie lymphoïde chronique depuis 2001. Il y a 2 ans, j'ai combattu cette maladie en prenant un traitement de fludarabine, mais après 2 ans, j'ai récidivé. Mon médecin hématologue m'a incité à adhérer à un protocole de recherche pour contrer la récidive, ce que j'ai fait. Il ne me reste qu'un cycle à suivre. Présentement, les globules blancs sont très bas. Va-t-on arriver à détruire tout ce qui empêche ma guérison complète? Sinon, va-t-on ralentir la multiplication des mauvaises globules pour plusieurs années? Merci de me répondre. Vous avez certainement vu sur ma présentation que j'ai dit que malheureusement, cette maladie-là, même si on y arrive, on devrait y arriver, n'est pas curable pour le moment. Pas curable ne veut pas dire toutefois que il n'y a pas moyen de la contrôler, et c'est ce que votre médecin est en train de faire. Je vois que vos globules blancs semblent être très bas. Évidemment, il y a certainement une certaine partie des bons globules blancs qui sont bas, mais il y a aussi votre leucémie lymphoïde chronique qui est très basse, donc il semble que votre traitement a été efficace. Et avec la combinaison de nouveaux traitements et la participation justement à ce que vous avez fait à des nouveaux projets de recherche, bien, ça nous permet souvent d'avoir des rémissions qui sont de plus en plus durables, et même si et espérons que ça soit le cas ici. Et même s'il y avait récidive dans un temps qui sera, je l'espère, le plus long possible, bien, il restera encore d'autres armes pour contrôler cette maladie-là et faire en sorte que vous allez pouvoir vivre une vie quasi normale malgré la présence de cette maladie. Deuxième question. Dans un environnement très pollué, entre parenthèses benzène, peut-on développer la leucémie LMA M3 en quelques semaines seulement? Il n'y a probablement pas de données qui montrent ça. Comme je vous ai parlé du processus oncogénique là, qui est en plusieurs étapes, il serait fort surprenant qu'en quelques semaines, l'exposition à un toxique comme ça résulte en développement d'une maladie. Le benzène est un carcinogène, il y en a beaucoup d'autres, et ça prend des expositions qui vont faire en sorte que souvent, c'est plusieurs années plus tard que ça va se révéler. Tout à l'heure, dans une de mes diapositives, vous avez vu qu'il y avait une bombe atomique. On s'est rendu compte que les radiations étaient néfastes, particulièrement lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu explosion de la bombe atomique, et les gens qui ne sont pas décédés, qui étaient en périphérie, qui ont été irradiés, ont développé des leucémies myéloïdes chroniques plusieurs années plus tard. Donc, la plupart du temps, c'est une combinaison de plusieurs facteurs et une exposition qui va faire en sorte que c'est beaucoup plus tardif qu'on va voir apparaître ce genre de problème là-bas. Et je serais fort surpris qu'une exposition puisse se traduire par un développement aussi rapide d'une leucémie myéloïde aiguë, type M3 ou autre. Troisième question, peut-on guérir de la LMA M3? C'est pas le sujet de la la présentation de ce soir, mais la réponse à peut-on guérir d'une LMA M3, elle est oui, et ce qui est fort intéressant, c'est dans la plupart des cas. La leucémie myéloïde aiguë M3 ou la leucémie promyélocytaire est la leucémie qui a de loin le meilleur pronostic, justement par l'identification d'anomalies moléculaires qui nous ont permis d'utiliser des drogues qui sont utilisées en fait seulement dans cette maladie-là, par exemple l'arsenic trioxyde ou encore le bisphénoïde ou le trifénol. Ces deux molécules-là font en sorte que cette maladie a qui a le meilleur pronostic, et en fait aujourd'hui, la M3, la majorité des patients qui ont une LMA M3 vont être guéris de leur maladie. Ceci conclut notre période de questions. J'aimerais remercier. Cette session éducative a été rendue possible grâce à une subvention sans restriction de la compagnie Roche. J'aimerais aussi remercier notre conférencier, Dr. Robert Delage. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Alors, bonsoir. J'aimerais vous rappeler que cette conférence est archivée pour une durée d'une année, donc vous pourrez toujours avoir accès en revenant sur le même lien Internet que vous avez eu accès ce soir. Je vous remercie et bonsoir.